graphique pour un peu fixer les idées et montrer qui était le personnage. Daniel Garat, il est né en 1904 dans une famille de la grande bourgeoisie dreyfusarde. Et il va faire ensuite des études à l'école libre des sciences politiques à Paris, où il va se familiariser avec les idées socialistes. Et ensuite, toujours par sa famille, il va devenir gérant de la succursale d'Hachette au Liban, où il va découvrir la cause arabe, notamment par ses rencontres avec le fils de l'émir Abdelkader et d'un autre personnage très connu qui est Louis Massignon. Entre 1927 et 1930, donc connaissance du monde arabe et connaissance aussi de l'ensemble des colonies françaises, avec à la suite de plusieurs voyages, notamment en Indochine, au Liban, en Syrie, etc. Et là, ça marque le premier véritable combat politique de Daniel Garat, ça va être l'anticolonialisme. Puisqu'il va écrire des articles sur les méfaits de la colonisation en Indochine, au Maroc, au Maghreb, etc. Pour l'hebdomadaire Monde d'Henri Barbusse. Et en même temps, donc à la même époque, en 1930, il va commencer à militer avec les syndicalistes révolutionnaires de la Révolution prolétarienne. Donc la Révolution prolétarienne, je rappelle que c'est une revue syndicaliste créée en 1925 autour de Pierre Monnat, Alfred Rosmer, Robert Houzon, etc. Enfin, un certain nombre de militants, pour certains déjà avec un long passé militant, puisque c'est les gens qui ont créé la vie ouvrière avant 1914, qui vont être parmi les opposants à l'Union sacrée pendant la Première Guerre mondiale, qui ensuite vont jouer un rôle important dans le mouvement syndical pour l'adhésion du mouvement syndical au communisme début des années 20, mais qui ensuite vont prendre très rapidement leur distance et soit quitter, soit être exclu du PC dès le dernier trimestre 1924. Et très rapidement, donc ces gens-là, début 25, fondent cette revue qui s'appelle la Révolution prolétarienne, qui va être en gros la grande revue syndicaliste révolutionnaire de l'entre-deux-guerres, avec une tentative récurrente de repenser l'autonomie d'un syndicalisme de lutte de classe dans le contexte de ces années-là. Donc, stalinisme, montée du fascisme, terrorisme, etc., etc. Donc voilà la seconde revue à laquelle Guérin participe. Donc on a vu Monde pour l'anticolonialisme et pour les articles sur l'Indochine, le Maroc, etc. Ensuite, la Révolution prolétarienne. Et la Révolution prolétarienne tente une aventure à ce moment-là, qui est tout à fait dans ses idées, dans ses pratiques. C'est une tentative de réunification syndicale autour de ce qu'on appelle le comité des 22. C'est-à-dire c'est le 22 militants syndicaux donc de la CGT, de la CGTU et des organisations autonomes, qui propose un processus de réunification à partir de 1931-32. Et on peut, à ce moment-là, dans le sillage de la Révolution prolétarienne, un autre journal qui va s'appeler Le Cri du Peuple, donc qui va être l'organe de ce comité des 22 pour la réunification syndicale, auquel Guérin aussi va participer. Donc on voit que dès le début, anticolonialisme et adhésion très précoce aux idées du syndicalisme révolutionnaire tel qu'il avait pu être défini avant 14 par la charte d'Amiens et dans les pratiques de la CGT, de Pouget, Grichuel, enfin, et tous ces militants-là. En même temps, Guérin a tout à fait conscience que l'époque a changé et donc il essaye de trouver un relais plus spécifiquement politique à son activité. Et il va adhérer brièvement à la SFIO, donc le Parti Socialiste de l'époque, dans la section de Belleville de la SFIO, mais où il va rencontrer un personnage qui va être important dans son itinéraire, qui est Marceau Pivert. Donc Marceau Pivert, grande figure de la gauche de l'entre-deux-guerres, avec lequel il va, dont il va être très très proche durant plusieurs années. Mais il quitte rapidement la SFIO pour son électoralisme, son anticommunisme, etc. Et il n'y reviendra qu'en 1935, avec, au moment de la création de la gauche révolutionnaire par Marceau Pivert. Gauche révolutionnaire, si vous voulez, c'est en gros la tendance la plus à gauche de la SFIO de l'époque, à laquelle vont adhérer notamment beaucoup de gens qui sont passés soit par le syndicalisme, soit d'anciens oppositionnels au stalinisme, et qui vont essayer de créer une espèce de pôle révolutionnaire à l'intérieur de la SFIO entre 35 et 38. Et Guérin va être aussi de cette aventure-là. Je passe sur 33, les voyages en Allemagne, parce que je reviendrai tout à l'heure. Dans ces années-là, évidemment, il y a le Front populaire, et Guérin va jouer un rôle à son niveau, à son échelle, assez important, puisqu'il va s'investir dans le comité de grève des LIA, qui est la ville de la banlieue parisienne où il réside. Il va être investi par le comité local, de l'union locale de la CGT, pour intervenir dans les usines en grève. Et il va extrêmement s'investir. Alors, il y a un bouquin qui n'est malheureusement pas là, mais que je vous conseille, qui est au moins aussi bon que celui-là, que je vous invite à lire, donc, qui s'appelle Front populaire, révolution manquée, qui est un des grands livres, à mes yeux, de Guérin, dans lequel il raconte tout son itinéraire durant les années 30 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un livre qui est d'autant plus intéressant qu'il a une double face, c'est-à-dire que c'est un livre extrêmement vivant dans la mesure où Guérin raconte ses activités militantes, raconte les événements, etc. Mais en même temps, il y a une part d'analyse. Et l'auteur arrive, enfin, Guérin arrive très très bien à faire le va-et-vient entre ce qui est son témoignage personnel, vécu de ces années-là, et les analyses qu'il a pu en tirer. Bon, analyse, évidemment, le livre a été écrit a posteriori, c'est un livre qui a été écrit après-guerre, mais vraiment basé sur le matériau militant qu'il avait accumulé à l'époque, hein. C'est-à-dire aussi bien ses articles dans la presse militante que ses correspondances, enfin, c'est vraiment sur ce matériau-là que ce bouquin-là a été écrit. Donc, rôle important à la gauche révolutionnaire, donc à la direction de la gauche révolutionnaire de la SFIO, rôle important pendant les grèves de 36. Critique aussi extrêmement ferme. Alors c'est vraiment pas la mode, on pourrait dire à l'époque, des procès de Moscou et de la répression en Espagne contre le boom, qui est un petit peu le parti frère de la gauche révolutionnaire française, et la CNT. Hein, donc je ne vous rappelle pas les journées de Barcelone et tout ce qui s'en suit. En 1938, la gauche révolutionnaire est exclue de la SFIO. Bon, il y a déjà des tiraillements extrêmement importants dès l'automne 36, dès 37, qui se déroulent entre ce courant-là et la direction du parti, qui commence à trouver que les trublions font un peu trop de raffus et sont un peu trop hétérodoxe par rapport à la ligne officielle. Après moult péripéties, je vous passe le détail, il y a un congrès de la SFIO à Royan en juin 1938 qui décide l'exclusion de la gauche révolutionnaire et la création d'un parti qui va s'appeler le PSOP, le Parti Socialiste Ouvrier Paysan, qui va connaître une République extrêmement borne, extrêmement brave, puisqu'il est fondé en juin 1938, et il ne va pas résister au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce PSOP, Guérin fait partie de la gauche de ce parti, qui est proche des courants trotskistes qui ont adhéré au PSOP. Et dans la perspective de la déclaration de guerre, il y a une espèce de centre international qui est créé, qui s'appelle le Front Ouvrier International contre la guerre, ou FOI en abrégé. Et Guérin est chargé de partir dans un pays scandinave avant la déclaration de guerre pour créer un espèce de centre de coordination internationaliste, on pourrait dire une sorte de Zimmerwald, si on fait référence à la guerre de 14. Mais donc, comme malheureusement l'histoire ne se répète jamais de la même manière, ben les pays, le pays en question va être envahi par les Allemands, la neutralité de ce pays est remise en cause, invasion par les Allemands, arrestation de Guérin, qui est ensuite emprisonné en Allemagne comme interné civil jusqu'en 1942. Et en 1942, il parvient à revenir en France, et là il prend contact avec les militants trotskistes dans la clandestinité. Il adhère formellement au parti trotskiste de l'époque et il milite au titre de la guerre sur une base qu'on pourrait qualifier d'internationaliste. Pour être plus bref pour la suite, dans la mesure où on est quand même un petit peu dans la période par rapport au livre, je vais rappeler juste deux trois bricoles. Guérin, pendant la guerre, parallèlement à ses activités militantes, écrit un autre de ses grands livres, qui est La lutte de classe sous la Première République, Les luttes de classe sous la Première République, dont il va livrer ensuite un résumé dans les années 60, dans ma poche, qui s'appelle Bourgeois et bras nus, donc qui est une grande étude historiographique sur la Révolution française, auquel on fait toujours référence et qui est toujours dans le débat historiographique sur la Révolution française, puisque Guérin se démarque à la fois de l'historiographie qu'on pourrait qualifier de libérale, dont un des derniers sur Jaume a été l'œuvre du Furet, très dernièrement, enfin dans les dernières années, qui est devenu un peu hégémonique à partir du bicentenaire de 1989. D'une part, et d'autre part, l'historiographie qu'on pourrait qualifier de marxisto-jacobine, influencée par le PC, qui est celle de Sokoul et de gens comme ça. Voilà. Donc Guérin publie ce livre en 1946. Ensuite, il entreprend un grand voyage aux États-Unis, dont il va tirer plusieurs livres, notamment sur le mouvement ouvrier aux États-Unis, sur la place des Noirs dans les luttes de classe aux États-Unis, sur le capitalisme américain, etc. etc. Bon, ensuite, combat toujours anticolonial qui perdure, puisque ça sera un des premiers signataires du manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie. Il va prendre un certain nombre de positions aussi pendant toute la guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, etc. En 1959, il publie un livre qui s'appelle « Jeunesse du socialisme libertaire » et qui est son premier véritable ouvrage où il s'intéresse de très très à l'anarchisme. Bon, il a expliqué rétrospectivement qu'il a commencé à s'intéresser très fortement à l'anarchisme. Alors, il y a toujours dans la tradition syndicaliste dont je vous ai parlé tout à l'heure un arrière-fond libertaire très soutenu. Qu'il ne pouvait pas ignorer. Mais par contre, il explique qu'il s'est intéressé par exemple à l'œuvre de Bakhtini, de Proudhon, enfin aux penseurs anarchistes, en particulier après 1956 et après la répression de la Commune de Budapest. Donc il voit l'apparition de conseils ouvriers. dans un pays dominé par les soviétiques, etc. Bon, avec la répression qui s'en est suivie, et que je rappelle là. Donc premier ouvrage véritablement libertaire, c'est ce livre, Jeunesse du socialisme libertaire. Et là, son idée, c'est d'essayer de faire une espèce de mixte, de réconcilier, en gros, de revenir à la Première Internationale, hein, pour faire bref, si vous voulez, en revenant sur l'opposition entre marxistes et libertaires. Donc lui, il dit que la jeunesse du socialisme ne peut se trouver que dans cette réconciliation-là. Et ensuite, il va approfondir à la fois sa connaissance et sa réflexion avec deux autres livres, donc un petit livre de poche qui s'appelle « L'anarchisme » dans les années 60. Et toujours dans les années 60, une anthologie de textes libertaires qui s'appelle « Milieu ni maître », qui est aussi un de ses livres importants et qui est un des livres qui a le mieux survécu jusqu'à nos jours, puisqu'il figure toujours dans la petite collection de poches, enfin la collection de poches de la découverte. Quoi. Voilà, participation à mai 68, militantisme homosexuel aussi, avec la création du front, c'est un des participants à la création du front homosexuel d'action révolutionnaire en 69-68, je ne sais plus. Anticolonialisme jusqu'à ses derniers jours, puisqu'il recevra 2-3 ans avant sa mort le leader du FLNKS, le front Kanak, Jean-Marie Djibaou, en 85 ou 86. Et au niveau du militantisme anarchiste, il adhère à un mouvement qui s'appelle le MCL, le mouvement communiste libertaire de Georges Fontenis, 1969. Ensuite, il va y avoir des problèmes avec une scission, avec l'ORAF, etc. Je passe le truc. Mais finalement, il va adhérer à l'UTCL, l'Union des Travailleurs Communistes Libertaires, en 1980. Et ça sera une des grandes figures de l'UTCL jusqu'à sa mort. Il va influencer un certain nombre de militants de cette organisation qui ensuite se transformera pour devenir Alternative Libertaire. Voilà très rapidement, avec des raccourcis et m'excuser, ce qu'on peut dire de l'itinéraire de Guérin. Donc comme je vous ai dit en commençant, on voit que par la richesse de son œuvre, parce que c'est quelqu'un qui a écrit sur le mouvement ouvrier, sur le fascisme, sur la Révolution française, sur les questions de libération sexuelle, sur l'art aussi, puisqu'il s'est intéressé aux écrits de Gauguin, etc. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a une œuvre absolument multiforme et extrêmement intéressante, quel que soit le sujet choisi. Et en même temps, on a vu aussi la multiplicité de ses combats. Hein, donc anticolonialisme, syndicalisme révolutionnaire, gauche socialiste ou gauche révolutionnaire, enfin, etc. etc. Voilà. Donc là, vraiment la richesse à la fois d'un itinéraire et d'une œuvre. Pour venir à Fascisme et Grand Capital, donc on voit que c'est un livre qui va écrire au début de son itinéraire, donc au moment où il est... Il collabore notamment à Monde pour les questions coloniales, à la Révolution prolétarienne pour les questions sociales. Et c'est, je pense que Guérin peut être qualifié de quelqu'un qui est toujours en recherche. C'est l'antidogmatique par excellence. Et donc, quand il est confronté à un nouveau problème, sa première tentation, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'insérer cette compréhension dans sa propre action, dans son propre militantisme. Et c'est une démarche qui est suffisamment originale, à mon avis, pour être soulignée, et qui, à l'époque, n'est pas spécialement partagée par le plus grand nombre. Donc je voudrais rappeler quelques éléments de contexte sur la manière dont on perçoit le fascisme au moment où Guérin va commencer son travail. Donc maintenant, si le moment fasciste de l'histoire du XXe siècle est quelque chose qui est absolument présent à l'esprit de tout un chacun, on a même inventé une expression qui est le point Godwin, pour savoir à quel moment dans une discussion, dans une polémique, on va faire référence à Hitler, ou au nazisme, ou quelque chose comme ça, qui donne souvent des propos tantinés, exagérés, pour ne pas dire totalement ridicules. À l'époque, le phénomène en est qu'à ses débuts, et on ne peut pas dire qu'il est véritablement pris en compte. J'ai même envie de dire qu'il est largement sous-estimé. Donc je vais vous donner quelques exemples de cette sous-estimation. Par exemple, Léon Blum, en 1931-1932, écrit très régulièrement qu'Hitler ne pouvait pas arriver au pouvoir. Du côté des dirigeants communistes, les premiers concernés, c'est les Allemands. Je vous cite une déclaration de Hermann Remmele, qui était un des principaux dirigeants du PC allemand, d'octobre 1931. J'ouvre les guillemets. Une fois les nazis, donc on est en 31, Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 33. Donc en 31, Remmele écrit « Une fois les nazis au pouvoir, le front unique du prolétariat se réalisera et fera place nette. Les fascistes ne nous font pas peur, ils arriveront au bout de leur rouleau plus vite que tout autre gouvernement. » Bon, on sait ce qu'il en est. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier par le président de la République de Weimar, Hindenburg. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tous les partis, et en particulier les partis de gauche, sont surpris et totalement pris au dépourvu par cette nomination. Alors je vous cite un titre assez savoureux de l'Humanité du 31 janvier 1933, qui dit la chose suivante, ouvrez les guillemets, le résultat d'un moindre mal, deux points, Hitler chancelier. L'international communiste déclare en avril 1933, donc deux mois après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, malgré le terrorisme fasciste, l'essor révolutionnaire va s'amplifier inévitablement. L'institution de la dictature fasciste manifeste, qui réduit à néant les illusions démocratiques des masses et les soustrait à l'influence de la social-démocratie, accélère la marche de l'Allemagne à la révolution prolétarienne. Donc avec ces déclarations qu'on pourrait multiplier, on voit bien que à peu près personne n'a vu venir la catastrophe, c'est-à-dire la disparition seulement quelques semaines de la République de Weimar, l'effondrement sans combat du mouvement ouvrier allemand, qui était pourtant considéré comme le premier et le plus puissant d'Europe occidentale depuis la fin du XIXe siècle, le fait aussi que le régime nazi réussirait à se maintenir au pouvoir et à transformer en quelques années une Allemagne ravagée par la crise en une puissance militaire menaçante avec une deuxième guerre mondiale qui s'en suivrait. Donc au contraire, Guérin est lui persuadé très tôt du danger fasciste. Et pour cela, il va au charbon, c'est-à-dire qu'il fait deux voyages en Allemagne en 1932, un pendant l'été 32 et un au printemps 1933. Et de ces voyages, il tire un certain nombre d'articles. Donc pour le premier voyage, c'est des articles donc dans Monde, de Barbus, dans la Révolution prolétarienne, et dans un magazine qui s'appelait Regard. Pour le second voyage, c'est essentiellement dans le quotidien socialiste Le Populaire, qui publie ses recensions de voyage. Et je vous invite à lire ces textes-là, puisque Guérin en a tiré un petit livre, qui est toujours disponible, qui s'appelle La Peste Brune, et qui est le récit extrêmement bilan de ces observations dans l'Allemagne, donc quelques mois avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et quelques semaines après. Donc il y a cette connaissance directe, petite parenthèse, c'est aussi la même chose que fait Simone Veil, puisque Simone Veil ne fait pas de voyage après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, mais Simone Veil fait aussi deux voyages en Allemagne en 1932, pour se rendre compte par elle-même de ce qui est en train de se passer là-bas, dans la mesure où elle considère que c'est des événements extrêmement gravissimes et importants. Voilà, donc on peut établir ce parallèle-là. Et c'est pas par hasard que je cite Simone Veil, dans la mesure où, en dehors de ses voyages, Guérin appartient à des milieux, petits milieux de l'extrême gauche parisienne de l'époque, qui va accueillir les premiers réfugiés antifascistes allemands qui arrivent en France. Et donc les réfugiés qui ne sont adhérents ni du PC, ni de. Qui sont ni communistes ou staliniens, ni sociodémocrates. Voilà. Et c'est souvent des gens du SAP, qui est le, je ne dis pas en allemand parce que je vais me faire reprendre, mais c'est le Parti Socialiste Ouvrier Allemand, qui est une petite organisation qui regroupe en gros des socialistes de gauche et des communistes dits de droite, enfin des gens qui sont sortis du PC, une organisation qui s'appelle le KPO, le Parti Communiste Allemand, opposition, qui se sont réunis dans ce SAP, Parti Socialiste Ouvrier, donc dont certains militants, certains leaders, certains théoriciens arrivent en France. Donc il y a un certain nombre de ces militants, d'autres courants aussi, d'autres organisations qui arrivent en France, et Guérin a une idée un peu saugrenue, c'est sûrement l'effet de la jeunesse à l'époque, il pense qu'il va pouvoir réunir tous ces gens-là pour les faire discuter ensemble et pour que les militants français fassent avec eux le bilan des événements allemands pour que les autres pays profitent de l'expérience malheureuse qui s'est passée en Allemagne. Et comme on sait, comme chacun le sait, dans ce type de rencontres, les conflits personnels, les rivalités politiques, etc., prennent nécessairement le dessus. Et donc Guérin sortira un petit peu déçu de cette expérience, mais il y a vraiment chez lui le désir de se confronter aux penseurs allemands, enfin aux militants allemands. Et à ces réunions-là participent un certain nombre de Français, notamment René Lefebvre, le créateur du cahier Spartacus, et Simone Veil, dont j'ai parlé. Et c'est Simone Veil qui va l'inciter à... Je cite l'expression de Guérin. Simone Veil l'incite à entreprendre cette étude afin de combattre le fascisme au moyen de recherches érudites. C'est l'impulsion initiale de Fascisme en Capital vient de ces réunions et du souhait de Simone Veil d'engager Guérin à travailler sur cette question-là. Je voudrais aussi rappeler les gens qui citent lui-même dans l'ouvrage sur lesquels il va s'appuyer. Donc il va s'appuyer sur les travaux de Trotsky, sur le fascisme, mais aussi sur ceux d'Andrasnin, qui est le leader à l'époque, enfin, qui deviendra ensuite le leader du POUM, donc qui est un communiste oppositionnel espagnol. Et Ignacio Silone, qui est un ancien communiste italien qui vit à l'époque en Suisse. Voilà, donc on peut dire que ce livre, c'est une des premières études scientifiques du fascisme. Donc elle paraît chez Gallimard en 1936. Et je vais vous dire quel est le but de l'ouvrage d'après son auteur. Donc je le cite, exposer les véritables raisons de la victoire fasciste, démasquer sans ménagement les défaillances des partis ouvriers vaincus, que d'autres s'obstinaient à camoufler, convaincre le lecteur qu'on ne pouvait pas combattre le fascisme en s'accrochant à la planche pourrie de la démocratie bourgeoise, qu'il fallait donc choisir entre fascisme et socialisme. Voilà pour le contexte. Sur le livre lui-même, je voudrais là aussi vous faire une autre citation d'un historien qui s'appelle Pierre Ecoméry et qui a présenté les différentes interprétations, parce que c'est un bouquin qui date des années 1980, hein, dans lequel donc l'auteur, en historien, a voulu présenter, analyser et critiquer les différentes interprétations du national-socialisme. Voilà ce qu'il dit à partir de, enfin, à propos plutôt de Fascisme et langue capitale. Le livre tranche sur la grisaille de la production de la gauche française par l'abondance de l'information, la rigueur du raisonnement et le souci de la comparaison internationale. Et il me semble que pour tout lecteur de Fascisme et langue capitale, c'est ces trois traits qui apparaissent en premier lieu. Puisque pour chaque partie, pour chaque chapitre, l'auteur présente à la fois des généralités qui vont ensuite être illustrées par des exemples pris dans l'Italie fasciste et dans l'Allemagne nazie. Il n'y a jamais rien qui est affirmé d'une manière arbitraire. Il y a toujours l'énonciation d'une d'une thèse, d'une analyse, etc., qui est suivie par sa démonstration dans les événements ou dans les observations qu'il a pu faire sur l'Italie ou sur l'Allemagne. Donc, dans son bouquin, suit un ordre qui est tout à fait logique, tout à fait classique. Il part de ses origines et de ses bailleurs de fonds. Il présente ensuite ses troupes, sa mystique, son idéologie démagogique, sa tactique, sa doctrine, bon, d'abord avant, puis après la prise du pouvoir. Et une fois qu'il est au pouvoir, il consacre de longues analyses à la politique économique du fascisme. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que le basculement vers le fascisme suit toujours le même scénario qui est décrit par Guérin pour l'Italie et pour l'Allemagne. En période stable, on peut dire que le capitalisme s'accommode tant bien que mal de la démocratie, mais son optique change quand une crise économique éclate et ruine les classes moyennes, plonge le prolétariat dans la misère, le chômage, etc. Les partis de gauche sont empêtrés dans le légalisme, démontrent leur impuissance, voire courent derrière l'extrême droite sur des thèmes nationalistes sous prétexte de les concurrencer sur leur propre terrain. Et donc ces partis sont absolument incapables de présenter une véritable alternative crédible au capitalisme en crise. Et c'est faute de cette alternative et avec l'approfondissement de la crise que les classes moyennes, les chômeurs, une partie de la classe ouvrière, etc., vont basculer vers le fascisme qui promet de détruire un système pourri, entre guillemets, et d'ériger une société qui serait à la fois nationaliste et socialiste. Donc pour Guérin, et il me semble que là aussi il faut insister là-dessus, le terreau indispensable du fascisme, c'est la crise du capitalisme. Donc au départ, il y a chez lui le besoin des grands groupes capitalistes de s'appuyer sur des organisations anti-ouvrières qui va financer, donc ça va être la phase où le fascisme reçoit les fonds des organisations patronales. Mais en même temps, il faut bien comprendre, et Guérin insiste aussi là-dessus, que ce n'est pas du tout une invention diabolique des grands capitalistes qui veulent sauver leur hégémonie. Guérin s'attache donc à comprendre les forces sociales sur lesquelles elle s'appuie. Et donc dans le cadre de la crise du système social, une crise majeure et globale du système social, ça va être en premier lieu ce que Guérin appelle les classes moyennes, qui sont les victimes d'un double phénomène. D'une part, la paupérisation des classes moyennes anciennes, et d'autre part, la prolétarisation des classes moyennes nouvelles. Enfin, pour toujours sur le problème des forces sur lesquelles s'appuie le fascisme, il faut bien rappeler que jamais le fascisme n'a conquis la majorité dans un cadre démocratique. à chaque fois, le chef des fascistes est porté au pouvoir par les politiciens de droite. Donc c'est le cas, y compris en Italie, avec la marche sur Rome, qui est une espèce de mascarade, de mise en scène, qui serait grotesque si elle n'avait pas une issue tragique. Et en Allemagne, Hitler est nommé chancelier, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais là, il faut le souligner, après un échec électoral. Et un de ces échecs électoraux qui faisait dire à Léon Blum que le fascisme avait atteint son zénith et qu'il ne pouvait pas conquérir la majorité et arriver au pouvoir. Une fois que le fascisme est au pouvoir, son objectif essentiel, d'après Guérin, c'est de paralyser toute forme de résistance ouvrière. Donc, dans un premier temps, il va détruire et interdire les syndicats, abolir le droit de grève, les conventions collectives, et rétablir l'absolutisme patronal dans les entreprises. À moyen et à long terme, son objectif va être d'empêcher toute tentative autonome de lutte de classe. D'où la création de ces organisations qui sont le Gruppo Lavoro en Italie ou le travail en libre, après j'ai plus le nom en allemand, des organisations qui sont là pour encadrer la force de travail, mais qui ne sont en aucun cas des organisations représentatives de leurs adhérents, qui sont simplement des institutions d'État servant à encadrer et à discipliner, ou à occuper, ou à divertir la force de travail. C'est en gros des organes de l'administration d'État, quoi, hein, ces syndicats fascistes. Le but aussi du fascisme dans ce cadre-là, c'est d'imposer l'idée que lutter contre le patron, c'est s'opposer à l'État. Et il en découle quelque chose de tout à fait logique, c'est ce que Guérin appelle un massacre des salaires, c'est son expression, qui vise à une chose tout à fait évidente, c'est-à-dire à rétablir les profits des grands groupes et des entreprises. Mais en même temps, comme la réalité ne peut jamais apparaître d'une manière totalement crue, on va habiller ça, l'idéologie fasciste va habiller ça avec une idéologie corporatiste. Alors, ça va être extrêmement important en Italie, mais c'est totalement dénué de fondement. C'est-à-dire c'est de la représentation, alors que l'État se met au service exclusif des grands possédants, il tient le discours selon lequel la collaboration de classe peut profiter à tout un chacun. Et cette politique économique aboutit pour Guérin à ce qu'il appelle une économie de guerre en temps de paix. Au terme de son analyse, Guérin souligne, je le cite, que le fascisme consiste en l'instauration d'un État fort, destiné à prolonger artificiellement le régime économique basé sur la propriété des moyens de production et sur le profit. Il en tire aussi une leçon politique qui est sans ambiguïté, je le cite encore une fois, l'antifascisme est illusoire et fragile, qui se borne à la défensive et ne vise pas à abattre le capitalisme lui-même. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur le bouquin très rapidement. Maintenant, j'ai envie de poser un petit peu des éléments de discussion sur le livre lui-même. Et notamment, les points importants, je pense que vous les avez déjà compris. Il nous semble que ce qui est extrêmement important dans le bouquin de Guérin, c'est sa déconstruction du prétendu anticapitalisme du fascisme, qui se mue en nationalisme et en antisémitisme. Autre point aussi extrêmement important qui sera repris par la suite, c'est l'opposition, c'est que le mouvement fasciste n'est absolument pas monolithique, et qu'il y a une opposition entre ce qu'il appelle les plébéiens et les partisans d'une dictature militaro-étatique classique. Guérin montre bien qu'il y a vraiment contradiction tout au long de l'histoire des régimes fascistes, en particulier une fois qu'ils sont au pouvoir, entre ces courants plébéiens et les courants dictatoriaux classiques, on va dire. Donc, en Allemagne, c'est l'année 34 hein, qui va marquer le tournant, avec l'élimination des SA dans les sections d'assaut, qui sont les représentants de ces courants plébéiens, qui sont éliminés physiquement pendant cette nuit des longs couteaux, au profit d'une politique économique beaucoup plus classique. Mais en même temps, les plébéiens, il faut les ménager, parce qu'il faut quand même faire croire, il faut quand même garder cette espèce de vitrine, non seulement nationale, mais aussi vaguement socialiste. Voilà. Ça, je pense que c'est un des acquis du bouquin de Guérin, d'avoir particulièrement bien expliqué ce phénomène-là. Un autre point extrêmement important, c'est de considérer que le fascisme est un phénomène de caractère universel. Par exemple, dans les années 20, on a largement sous-estimé le fascisme italien dans la mesure où on considérait que c'était les macaronis, etc. Enfin, que, les Français étaient au-dessus de ça, etc. Pour les Allemands, c'était un petit peu pareil, c'était un peu dans les gènes. Quoi, hein, c'était une espèce d'extension d'autoritarisme prussien, etc. Donc, Guérin dit, mais non, pas du tout. Le fascisme, ça ne s'explique pas du tout par des spécificités locales, c'est un phénomène de caractère universel. Il y a un autre point aussi sur lequel il me semble devoir être rappelé, c'est que le fascisme arrive à réaliser un espèce de miracle psychologique, l'expression de Guérin, hein, toujours. Et ce miracle psychologique, c'est celui de transmuer en enthousiasme, en esprit de sacrifice, le mécontentement et la misère de larges couches populaires, donc au profit des intérêts qui ne sont pas les leurs. Et c'est ça qui me semble extrêmement important à comprendre, c'est comment les mouvements fascistes réussissent cette espèce de tour de force, de mobiliser ce qu'on pouvait appeler au 19e des émotions populaires, au profit d'intérêts qui ne sont absolument pas les leurs. Et ça, c'est un autre des miracles du fascisme, qu'a souligné Guérin. Comme je l'ai dit, un livre classique, ça doit se discuter, c'est pas pris comme une espèce de parole d'évangile ou comme un missel qu'on va réciter et qu'on va gober sans la moindre critique. Donc je voudrais faire deux, trois petites réserves mineures, ce sera peut-être aussi un moyen d'introduire le débat, parce que vous en avez peut-être d'autres, vous ne serez peut-être pas d'accord, je ne sais pas. Donc dans les réserves que je ferai sur le livre, relativement mineur, comme je l'ai dit. Il y a un point sur lequel je ne suis absolument pas d'accord et que j'ai d'ailleurs signalé dans les notes que j'ai faites pour le bouquin. C'est le fait que Guérin s'est rallié d'une manière totalement acritique à la thèse selon laquelle l'incendie du Reichstag était un complot nazi. Ça a été une grande affaire à l'époque, hein. Ça a été vraiment un événement international qui a mobilisé l'opinion, la presse, etc., etc. Cette affaire de l'incendie du Reichstag, du procès de Leipzig qui s'en est suivi. Et ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est que effectivement les nazis ont su profiter de l'occasion pour renforcer leur position et accabler leurs adversaires, que quasiment en miroir, les communistes, que je préfère appeler en l'occurrence les staliniens, s'en sont servis pour se créer une virginité antifasciste qui n'était pas totalement vue les analyses du nazisme que j'ai rappelées en commençant. Et un de ceux qui a le mieux décrit cette espèce de phénomène de de miroir entre, donc entre l'Union stalinienne et l'Allemagne nazie au moment de l'incendie du Reichstag et du procès de Leipzig, c'est quelqu'un comme Arthur Koestler, dans ses mémoires, qui a vraiment tout à fait bien analysé ce phénomène-là. Donc je voudrais rappeler simplement que l'incendiaire du Reichstag, c'était un ouvrier communiste de conseil hollandais qui s'appelait Marius von der Lubbe, qui était absolument pas manipulé par les nazis, qu'on a pu dire pendant trop longtemps. Il était tellement manipulé par les nazis qu'il a été condamné à mort et exécuté en janvier 1934 dans la prison de Leipzig après son procès, alors que le futur dirigeant international communiste, le bulgare Dimitrov, et ses deux co-accusés bulgares, Popov et Tanev, prenaient un avion pour rejoindre l'Union soviétique. Dimitrov devenant ensuite le leader formel de l'international communiste jusqu'à sa dissolution en 1944, si ma mémoire est bonne. Autre point sur lequel j'ai mettrai un petit peu des réserves, c'est les jugements à l'emporte-pièce que fait Guérin à propos de Georges Sorel et Édouard Berthe, qui ont pu effectivement quelquefois se tromper et faire des inepties, qui n'étaient absolument pas des précurseurs du fascisme, mais des serviteurs et des penseurs désintéressés du prolétariat et des partisans du syndicalisme révolutionnaire. Il y a une question de date aussi avec laquelle on peut être d'accord avec Guérin, dans la mesure où il dit que la prise du pouvoir absolue par les nazis se situe en 1938, alors qu'il me semble qu'à peu près tous les historiens sont d'accord pour considérer que c'est après, donc la nuit des Hottentots, en 1934, que les plébéiens sont éjectés. Ça, c'était pour les points de détail. Il y a un autre point sur lequel je voudrais terminer, qui est une piste, il me semble, qui a été négligée par Guérin dans son bouquin, et qui me semble retrouver une actualité, alors pas une actualité dans le sens où, pas l'actualité auquel on pense, à laquelle faisait allusion Alain tout à l'heure, mais quelque chose de beaucoup plus profond au niveau des structures de production, c'est que Guérin ne fait aucune allusion à Henry Ford et au fordisme dans tout son livre. Et bon, je avoue que ça m'a un peu surpris. Chacun sait que Ford est l'inventeur d'une méthode industrielle qui a eu un mode de production en série fondée sur le principe du travail à la chaîne et une relative augmentation des salaires pour trouver des débouchés à sa production pour les ouvriers qui gardent leur emploi. Donc grâce au système en question, l'entreprise économise une grande partie de la main-d'œuvre, qu'elle paye un peu plus, la main-d'œuvre restante. Et elle remplace l'ouvrier de métier indépendant grâce à son savoir-faire par l'ouvrier spécialisé qui est rivé à une tâche partielle au service de la machine. Je rappelle aussi que Ford était un antisémite pour le moins enragé, qui a été le propagateur durant toutes les années 20 du célèbre faux protocole des sages de Sion, et aussi un sympathisant avéré du régime nazi avec lequel il a toujours entretenu des liens privilégiés. Il a été par exemple décoré à Détroit en juillet 1938 de l'ordre allemand de l'Aigle, une distinction qui était réservée aux étrangers. Et donc il me semble qu'il y a un lien très fort entre une certaine conception de la production, ce qu'on pourrait appeler l'industrialisme, le productivisme d'un Henry Ford et le fascisme, qui n'ont pas été du tout explorés par Guérin, alors que les syndicalistes révolutionnaires d'avant 14 avaient pressenti le danger majeur que constituait ce nouveau mode de production. Je rappelle deux travaux. D'abord, les articles d'Alphonse Merheim, le secrétaire de la Fédération des métaux de la CGT dans la vie ouvrière en 1913, d'une part, et d'autre part, la même année, toujours 1913, le petit livre d'Émile Pouget, L'organisation du surmenage, le système Taylor. Il me semble qu'avec la Première Guerre mondiale et l'énorme brutalisation des sociétés européennes qu'elle a entraînée, ce type de critique a disparu du devant de la scène dans le mouvement ouvrier, d'autant que, aussi bien du côté fasciste que du côté stalinien, on va louer à partir de ces années-là, on va louer jusqu'à la nausée, quoi, la figure du travailleur, ou de l'ouvrier à la chaîne, le plus productif possible. Donc ça va être la figure du travailleur du côté allemand avec Hitler. Ça va être du côté soviétique le stakhanoviste, effectivement extrêmement célèbre. Et donc j'ai envie de dire pour conclure qu'on pourrait finalement peut-être définir le fascisme comme un despotisme de l'usine qui se doublerait d'une oppression et d'un despotisme sans précédent sur la société, les deux étant intimement liés. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que j'ai pas été trop long. Je voudrais savoir, tu as parlé au départ du fait que Merheim, enfin tous ses compagnons soient exclus du Parti communiste assez rapidement. Je voudrais savoir pourquoi, ce que tu peux en dire. Et la deuxième chose, c'est reparler un petit peu de ce que tu penses, toi, de cet incendie du Reichstag. Qu'est-ce que, à ton avis, il s'est passé? Non, sur le premier point, c'est pas Merheim, hein, c'est mon date. Merheim, j'en ai parlé à la fin pour l'article sur le système Taylor. Non, c'est une assez longue histoire, donc je vais essayer de la faire bref. Je pense qu'il y a vraiment une continuité donc, entre une grande partie de ces militants qui vont fonder la vie ouvrière autour de Monat avant 14, qui va se continuer ensuite dans les oppositions à la guerre de 14. Donc les premiers internationalistes, c'est ces gens-là. Hein. Gerd Monnat démissionne du comité confédéral de la CGT en décembre 14. Et ensuite, par le biais de la lettre aux abonnés de la vie ouvrière, va se constituer un petit milieu internationaliste syndical qui va ensuite prendre de plus en plus d'importance. Au fur et à mesure que la guerre se prolonge. Et ensuite, ces gens-là vont faire le pari d'une adhésion au PC très rapide. Parce que pour Monat, ça a duré quelques mois. Hein, puisque dans un premier temps, il ne veut pas adhérer parce qu'il trouve qu'il y a trop de sociodémocrates. Hein. C'est-à-dire les Cachins, Fronsard, enfin tous ces gens-là, c'est des gens qui ne supportent pas. Donc il veut pas adhérer, il adhère en 23, je crois, après 23, 24, ouais, 23, je crois. Donc après le départ de ces gens-là. Et il va partir l'année suivante. Alors dans le cadre d'un processus qui est assez complexe, qui démarre, je pense, avec la mort de Lénine. et qu'on va appeler dans l'international communiste la phase de la bolchevisation. C'est-à-dire qu'en gros, derrière des débats d'orientation à la tête du parti État soviétique et à la tête de l'international communiste, on masque les conflits de pouvoir par des débats gauche-droite, centre, etc. Et donc on appelle ça officiellement la politique de bolchevisation. Mais la politique de bolchevisation d'une manière générale, je veux dire, c'est pas que dans le cas français, hein, c'est aussi dans les autres pays, ça consiste à sortir l'ancienne gauche, les gens, par exemple en France, comme Loriot, Souvarine, Montmartre, Osmer, etc. Parce qu'ils manifestent trop d'indépendance, parce qu'on ne va pas les contrôler d'assez près, dans le cadre des débats dans l'international communiste. Je pense que toutes les explorations que va connaître le PC dans ces années-là, jusqu'à 1927-28, en gros, ça va vraiment être surdéterminé par ces questions-là. Alors il y a des débats, qui sont vus d'aujourd'hui extrêmement, scolastiques, quoi. Limite, on a l'impression qu'on discute sur le sexe des gens, des anges, alors qu'il y a la politique, il y a les débats sur le comité anglo russe, il y a les débats sur la révolution chinoise, il y a tout un tas de trucs sur, sur l'échec de la révolution allemande en 1923, il y a tout un tas de trucs comme ça, qui ont l'air, qui passent pour des débats stratégiques ou tactiques, mais qui sont en fait des positionnements sur des questions de pouvoir à l'intérieur du parti d'État soviétique et par voie de conséquence dans l'international communiste. Donc Monad est un des premiers, enfin le premier à partir sur ces bases-là, ça va être Souvarine qui est exclu au Congrès international pendant l'été 24. Et pendant l'automne 24, c'est les gens comme Rosemère, Monad, etc. qui partent. Ensuite, il va y avoir une espèce de tentative de cristallisation de ces oppositions autour d'un truc qu'on appelle la lettre des 250. C'est-à-dire, ça c'est vers début 25. C'est 250 militants de premier plan du PC français de l'époque qui signent un manifeste en disant qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, qu'il faut un véritable débat dans l'international et dans le parti français, etc. Voilà. Mais je pense que c'est essentiellement des questions de pouvoir plus que des questions de fond. La deuxième question sur l'incendie du Reichstag. Et je crois que j'ai déjà dit le fond de ma pensée tout à l'heure. Je pense que pendant très longtemps, on nous a présenté l'incendie du Reichstag comme une manœuvre des nazis pour consolider leur pouvoir. L'incendiaire étant au début un provocateur, un pur et simple provocateur nazi. Et puis ensuite, comme la ficelle était un peu grosse, c'était un gentil illuminé, un peu simplé, qui s'était fait manipuler. Et ça a été vraiment une thèse qui a été mais unanimement admise. Je pense que si vous consultez des dictionnaires encore aujourd'hui, vous allez trouver un incendie du Reichstag. Par exemple, il y a un dictionnaire historique du fascisme, du nazisme, de Milza, Pierre Milza, Serge Brechstein, etc., qui doit dater d'une quinzaine d'années, qui reprend exactement cette thèse-là. Moi, je fais partie des gens peu nombreux qui pensent depuis très longtemps. Mais ça devient un peu plus audible aujourd'hui. Il y a quelques livres qui sont parus sur le sujet, il y a quelques documents d'archives qui sont, qui sont sorties, quelques études extrêmement sérieuses, notamment d'un Hollandais de l'Institut international de l'histoire sociale, qui a écrit il y a quelques années un livre excellent sur le sujet. J'ai malheureusement un petit éditeur qui n'a pas beaucoup de surface. Hein. Mais bon, il y a un éditeur plus important qui a publié des carnets de Marius von der Lubbe, l'incendiaire. Et il y a des historiens, notamment un historien allemand qui s'appelle Hans Mommsen, si ma mémoire est bonne, qui a contesté cette thèse depuis au moins une vingtaine d'années, voire plus. Ces travaux n'ont pas été traduits en français. Il y a un seul texte sur ce sujet de Mommsen qui est traduit en français dans un gros livre très cher de la Maison des sciences de l'homme, un recueil d'articles sur le nazisme, dans lequel il aborde le sujet. Mais voilà, je veux dire, c'est pas ce qu'on appelle maintenant en bon français le mainstream. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que dans l'extrême gauche de l'époque, il y a quelques personnalités, quelques militants qui avaient déjà, dès les événements, pris le contre-pied de cette thèse officielle. Et c'était des gens comme, par exemple, Simone Veil, Souvarine, ou un anarchiste qui n'est pas très connu malheureusement, qui s'appelle André Prudhomo, et qui a été notamment en France le principal défenseur de von der Lubbe à cette époque-là. Je crois que von der Lubbe est la victime collatérale d'une espèce d'énorme guerre de propagande entre l'Allemagne nazie et l'URSS stalinienne, et que les deux avaient intérêt à se renvoyer cette espèce d'image. D'un côté, on disait, mais non, c'est un provocateur nazi, et de l'autre côté, on disait, mais non, c'est... les communistes disaient, c'est un provocateur nazi, et les nazis disaient, mais non, c'est le signal d'un groupe communiste, et von der Lubbe est un provocateur communiste. Il y a vraiment une espèce d'effet de miroir des propagandes, et qui a fonctionné pendant très très longtemps, et qui fonctionne encore de la part de tout un tas d'historiens qui ont pignon sur rue, etc., et qui, à mon avis, ne voient pas, en l'occurrence, plus loin que vous leur nez. Et je pense qu'ils sont les victimes de cet effet de propagande, et qu'ils ont adhéré à cette thèse-là sans prendre en compte les arguments, les critiques, etc., de gens comme Prudhomo, Simone Veil, etc., qui disaient « mais non, ça ne tient pas debout, ce truc-là », et à quelqu'un, par exemple, comme Paneke, Anton Paneke, théoricien marxiste, communiste de conseil hollandais, qui avait dit qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'avait fait von der Lubbe, mais que ce n'était absolument pas un provocateur nazi. C'était un chômeur, un ancien ouvrier chômeur hollandais qui avait cru, par son acte, réveiller la classe ouvrière allemande au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, qui s'était trompé, mais que c'était... je pense que ce n'est pas le centre du débat non plus sur le fascisme. Deux remarques. Excusez-moi, vous êtes avant moi. Non, c'est bon, je m'occupe de la salle. Deux remarques là-dessus, juste sur von der Lubbe. Moi, je pense que c'est prouvé historiquement que c'était lui. Mais c'est ce que je pense qu'on arrête sur ce fait-là. Et moi, je pense que l'exemple de Marius von der Lubbe, c'est l'exemple exemplaire de l'échec de propagande par le fait individuellement, parce que c'est vrai, à mon avis, les nazis, ils n'ont pas pensé à ça, mais ça ne pouvait pas arriver mieux pour eux. ils ne pouvaient pas penser à une meilleure occasion pour déclencher la répression de masse. Et ça, il faut penser aussi, en tant que, je le dis, en tant qu'anarchiste, au mouvement anarchiste pour les actes individuels. L'acte de Van der Lubbe était complètement basculé dans des forces, écrasé dans des forces politiques là, et à toute l'encontre de ses intentions. Ça, c'est la première remarque. Deuxième, aujourd'hui, je connais un peu le débat en Allemagne là-dessus, je pense que l'approche de Guérin sur fascisme et capital, et grand capital, serait quand même, avec toutes les différenciations que tu as fait, ressemble quand même encore une approche, une analyse très orthodoxe, parce qu'il vise surtout sur l'influence du grand capital et les classes moyennes sur le développement de fascisme, national-socialisme en Allemagne, mais il oublie, même quand il y a un tout petit chapitre sur l'anticapitalisme transmué pour l'antisémitisme, il oublie vraiment une grande analyse de l'antisémitisme en Allemagne, et c'est malgré le facteur internationaliste de développement de fascisme, c'est un facteur très unique en Allemagne, le montée de l'antisémitisme, et notamment qu'il y avait déjà au tournant du siècle, pas vraiment un mouvement ouvrier à l'encontre de l'antisémitisme. Comme il y avait en France le mouvement de défense de Dreyfus, ça n'existait pas. Sur les rues en Allemagne, ça n'existait pas. Et ça veut dire aussi que, du même façon que le grand capital a soutenu le national-socialisme et les classes moyennes, il y avait une grande couche, il faut l'avouer, de la classe ouvrière qui était vraiment dedans, qui se laissait instiguer par les paroles. Et il y a aussi un facteur très volontaire, subjectif, je pense, de mouvement qui a déclenché Hitler, qui était un grand orateur et qui a aussi su vraiment attirer des couches de classe ouvrière. Et j'ai souvent entendu ici que on dit plutôt, oui, la classe ouvrière, peut-être elle était trop timide, elle n'a pas fait une révolte, mais elle a subi une défaite de grande bourgeoisie, du nazisme. Non, ce n'est pas comme ça. Ils ont accepté, au moins d'une grande partie, accepté le national-socialisme parce qu'ils sont été entachés déjà par l'antisémitisme. Et aussi par une, et là je ne suis pas d'accord non plus, d'une manière des vertus secondaires qui viennent vraiment des disciplines prussiennes. Ils ont un caractère de soumission qui est aussi un peu différent que dans l'Italie et dans les autres pays du fascisme, à mon avis. Je réponds tout de suite sur l'histoire de la tête individuelle, je suis assez d'accord avec toi, donc voilà. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. C'est simplement je voulais profiter de l'occasion pour souligner que sur la question de l'incendie du Reichstag, maintenant on peut faire entendre un autre son de cloche que celui qui a été pendant très longtemps admis. Et que donc c'est pas du tout pareil d'être un provocateur nazi et d'être un militant sincère qui s'est gouré de période. Voilà, c'est tout. Après sur la question de l'antisémitisme, je pense que tu as en partie raison. Je connais même pas du tout le débat en Allemagne pour pouvoir intervenir. Là-dessus, il me semble que c'est quand même un élément qui manque dans le bouquin de Guérin, dans la mesure où il en parle très peu quand il est question de la création du mystique fasciste. parce que bon, effectivement, il écrit quand même au tout début, il écrit à fond, quoi. Il n'y a pas d'antisémitisme pour le fascisme italien, tout du moins dans ces années-là. Et c'est pour ça que moi j'en parle dans mes réserves quand je parle d'Henry Ford. Parce qu'Henry Ford, il me semble qu'il permet de faire, le lien justement entre ce qui est le financement par le grand capital de mouvements ou d'une propagande fasciste antisémite, et en même temps par l'invention d'un mode de production qui fait que qui est basé sur la dépossession du travail, de son propre travail par le travailleur. Et je pense que pas, peut-être que je m'éloigne un peu du sujet, mais en fait, tant pis, je lance l'idée que la défaite du syndicalisme révolutionnaire après 14 vient bon, non seulement de la brutalisation connue, enfin, d'une brutalisation sans précédent qu'ont connue les sociétés européennes, donc brutalisation entraînant régression, on va se cacher derrière le petit doigt, et en même temps dans les rapports de production. Le fait que la base sociale du syndicalisme révolutionnaire, c'est-à-dire l'ouvrier de métier, est remplacée par l'ouvrier spécialisé, tout simplement. Quoi. Voilà. Donc la personnalité de Ford me semblait intéressante à introduire dans les critiques que je pouvais faire sur le livre, parce que ça balaye non seulement la question de l'antisémitisme, mais aussi les rapports de production, et les rapports de production qui font que on va un peu couper l'herbe sous le pied à une base sociale sur laquelle pourrait se développer un mouvement émancipateur. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Du point de vue tout à l'heure, tu as parlé de Fossard et Cachin, de 1923. Cachin n'est pas encore dans le droit, il reste même directeur de l'humanité jusqu'à sa mort, même s'il a été sûrement le seul militant communiste à être aussi franc-maçon à l'époque où ça se faisait pas. Mais c'est pas le sujet. Ce qui me semble, moi, intéressant à approfondir ce soir, c'est tout ce que tu as développé sur le fait que le fascisme n'était en rien anticapitaliste, et se poser la question, parce qu'elle est profondément d'actualité, il suffit de connaître. Voilà, gens autour de soi, pourquoi les couches populaires en assez grand nombre aujourd'hui, quelque part adhèrent sans trop le savoir, en tout cas par leur vote, à ces orientations-là, sans le savoir, sans en être complètement conscient, et comment ils adhèrent à quelque chose qui est en rien dans leur intérêt, et comment c'est vrai qu'une des questions qu'on peut se poser quand même s'il faut se méfier des parallélismes, c'est des parallélismes un peu arithmétiques des résultats électoraux entre l'Allemagne des années, fin des années 20, début des années 30, et ce qu'on vit en France depuis quelques années, ce parallélisme existe. On ne se reproduit pas, c'est pas une situation, etc. Mais autour de soi, il y a quand même, on a quand même un basculement de toute une série de couches populaires qui ont vite par les peurs, les ménages des personnes, etc., peuvent amener à penser que le fascisme, si tant est que le fait ne soit reconnu comme tel, ça peut être une espèce d'anticapitalisme, surtout quand en plus le père explique que sa fille est derrière gauche. Non, sur l'histoire de Cachin-Frossard, je me suis mal exprimé. J'ai parlé de Cachin-Frossard parce qu'ils sont hyper connus pour leur voyage à Moscou, etc. Et pour les censément 21 conditions qui sont censées amener à avoir amené dans leur. dans leur bagage. Ce que je voulais dire, simplement, je sais que Cachin a été au PC jusqu'à sa mort, qu'il a dans les années 50, je crois. Un enterrement grandiose organisé par le PC, suivi jusqu'au Père-Lachaise par des centaines de milliers de personnes dans tout Paris. Donc ça, je le sais, c'est pas le problème. Non, simplement, je voulais rappeler, j'ai rappelé l'anecdote et les personnages pour dire qu'il y a des gens extrêmement différents qui se retrouvent dans le premier PC, quoi, qui ne s'appelle pas encore PC, qui s'appelle SFIC, section française de l'International Communiste. Ils ont voté la même motion à Tours. Et voilà. Et on sait que les motions... Et que Frossard est parti, lui, avec les gens qui étaient de son registre, quoi, de son genre. Ils sont partis extrêmement vite. Quoi. Le seul qui est resté, finalement, c'est Cachin. Quoi. Et que donc, ce qui se considérait comme être la gauche du PC de l'époque, c'est-à-dire les Souvarine, Rosmer, Monat, etc., avait des préventions extrêmement grandes contre ce type d'individu. Voilà, c'est tout. Fin de la parenthèse. Sur les questions d'actualité, franchement, je suis beaucoup moins à l'aise. On peut en parler, parce que pourquoi pas, mais je me méfie un peu des parallélismes hâtifs, d'une part. D'autre part, ça impliquerait plus qu'un débat sur les thèses de Derain, un débat sur la nature du FN à l'heure actuelle, que je ne pense pas être le plus à même de développer. Si je peux en dire un mot, je n'ai pas l'impression qu'il y a un géographe anarchiste contemporain qui parle de post-fascisme. Et je pense que Pelletier. Je pense que son expression est assez bien vue dans la mesure où effectivement elle garde l'expression du fascisme, mais elle va au-delà en disant que c'est pas le fascisme traditionnel tel qu'on a pu le connaître. Et que donc dans la conjoncture actuelle, il me semble qu'il est beaucoup plus important d'essayer de penser ce qui est nouveau aujourd'hui. Que de faire des comparaisons hâtives avec ce qui s'est déroulé hier. Même si le passé éclaire le présent, évidemment, mais c'est toujours extrêmement dangereux, extrêmement délicat de plaquer une situation contre une autre et d'en tirer des conclusions un petit peu hâtives, peut-être. Il y a un point où là, je ne vous cache pas que je pensais vraiment à la situation actuelle, c'est quand j'ai évoqué le miracle psychologique d'une adhésion. Là, vraiment, c'est quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais putain, bon sang, mais c'est bien sûr, ça nous concerne au premier chef. Mais, comme chacun sait, un miracle est difficile à expliquer. Quoi. Et je me sens vraiment pas, dans la position de faire, d'expliquer ce miracle-là. Et de l'expliquer aussi bien au niveau historique pour l'Allemagne des années 30 que de l'expliquer aujourd'hui pour les relatifs bons scores électoraux que fait le Front National. Relatifs bons scores électoraux qui, à mon avis, il faut quand même relativiser le bon score électoral, maintenant c'est l'abstention. Voilà. Après, est-ce que non, je pense qu'il y a vraiment des différences essentielles par rapport à la situation dans les années 30. Bon, en particulier, la première différence que j'y verrais, c'est dans le degré de violence, qui n'est absolument pas identique. C'est-à-dire que dans les années 30, le Parti communiste allemand, le Parti social-démocrate allemand et le Parti nazi ont chacun leur milice, leur formation paramilitaire, qui s'affrontent très régulièrement avec des blessés, des morts, etc., etc. À ma connaissance, fort heureusement, il y a bien sûr des événements tragiques auxquels chacun, que chacun a en mémoire, hein, aussi bien à Marseille qu'à Paris ou ailleurs, mais ça n'a pas du tout le même, ça n'a pas du tout la même intensité que ça pouvait l'avoir dans les années 30. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les années 30, il y a un petit passage où Guérin en parle d'ailleurs, il dit que le fascisme n'aurait jamais pu se développer, enfin le fascisme en Allemagne, au niveau des campagnes électorales menées par Hitler, n'aurait jamais pu se développer à ce niveau-là sans une utilisation extrêmement judicieuse pour les fascistes, de moyens techniques modernes, qui étaient le déplacement en voiture d'une ville à l'autre, le premier meeting, la sono, la radio, etc. Ah, bon, là, je pense qu'il y a une allusion intéressante chez Guérin, il y a une piste à creuser, et que je pense que maintenant, le fascisme n'a plus besoin de la même force de frappe, dans la mesure où le système médiatique a un impact qu'il n'avait absolument pas dans les années 30. C'est la deuxième différence. La troisième, ça serait que jusqu'à aujourd'hui, je dis bien jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait, la crise économique n'a pas les mêmes répercussions que ce qu'elle a pu avoir dans les années 30. Dans les années 30, il n'y a pas d'État social. Il n'y a pas d'allocation chômage, il n'y a pas de filet de sécurité. Et en même temps, la crise est extrêmement soudaine. Chacun a en tête les manifestations de chômeurs aux États-Unis, les soupes populaires qui s'étendent sur des centaines de mètres, les gens qui se jettent par les fenêtres parce qu'ils ont perdu leur boulot. Ce caractère extrêmement spectaculaire. À mon avis, maintenant, on ne le retrouve pas dans la situation actuelle, dans la mesure où, bon, moi qui ai déjà un certain âge, avec avoir ma tête, mes cheveux, ça fait 40 ans que j'entends parler de crise, quoi. Ça fait 40 ans qu'on parle de crise économique, quoi. Et qu'on parle de crise, et qu'on va de crise en crise, avec, c'était Raymond Barre qui nous disait en 78 qu'on était bientôt au bout du tunnel, quoi. 40 ans après, on nous annonce tous les jours, tous les soirs au journal télévisé que peut-être que la reprise, blablabla. Donc la crise n'a pas du tout, à mon avis, n'a pas du tout la même nature, n'a pas du tout les mêmes répercussions et n'est pas vécue de la même manière. Ce qui ne veut pas dire que si la crise prenait d'autres formes, ces formes de fascisme du type années 30 ne pourraient pas ressurgir du jour au lendemain. Je pense par exemple à la situation qu'a connue l'Argentine au début des années 2000. Quoi. Mais pour l'instant en France, c'est pas encore le cas. Voilà. Donc je pense qu'il y a pas mal de différences historiques qui font que le plaquage ou le décalcage d'une situation sur l'autre est un peu problématique. Et que par contre, le point sur lequel j'ai insisté, vous avez relevé sur le miracle psychologique, là j'ai pas de réponse. Enfin, j'ai moi-même le plus grand mal. Pour revenir à la situation contemporaine, on peut faire peut-être un parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis et avec les analyses de journalistes américains dont j'ai oublié le nom, mais qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Pourquoi les pauvres votent à droite ?» et qui me semble un truc assez bien vu, même si ça n'a rien à voir avec du fascisme classique, quoi. Mais on voit par exemple que le Tea Party aux États-Unis, c'est-à-dire que les courants les plus à droite du Parti Républicain, arrive à récupérer un certain électorat populaire, avec un discours extrêmement démagogique, primaire, et qui en fait, comme dans la situation du fascisme, fait bosser des jeunes coup, arrive à mobiliser des gens dont les intérêts sont totalement opposés à ceux qui les manipulent. C'est un peu de la même manière que certaines grandes entreprises multinationales. Ça se fait régulièrement aux États-Unis, ça se croit peut-être en France, si ça n'a pas déjà commencé. Créer de fausses associations pour mobiliser l'opinion en leur faveur. Mais bien souvent contre leurs propres intérêts de consommateurs. Mais parce que, alors je ne sais pas, je veux dire, pourquoi Monsanto ne créerait pas une association des jardiniers pour la libre utilisation du Roundup dans leur parcelle. Voilà, c'est un peu du même, je pense que c'est un peu du même ordre. Quoi. C'est-à-dire qu'avec un discours extrêmement pervers, extrêmement retors, et des moyens financiers suffisamment costauds, on peut peut-être arriver à faire prendre des décisions pour des long terme un certain nombre de gens. Quoi. Et que le miracle psychologique du fascisme, c'est peut-être pas autre chose que ça, quoi. C'est-à-dire prendre des vessies pour des long termes, dans la mesure où il y a un discours qui est suffisamment travaillé par des gens dont c'est le boulot pour retourner l'opinion à leur faveur, alors que spontanément l'opinion devrait dire bon, mais à la fois s'il y a un produit cancérigène, on est perdu, quoi. Voilà, c'est ça semble du pur et simple bon sens. Mais après, il va y avoir ce qu'on appelle les communicants, des gens comme ça, qui vont produire un discours pour dire ah oui, mais non, mais voyez, c'est plus compliqué, etc. etc. Alors, je pense que le miracle psychologique du fascisme, c'est pas autre chose. Quoi. Avec un dernier élément, peut-être, c'est le caractère de désabusement auquel à peu près tout le monde en est arrivé. Dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, on entend le discours de crise, on l'entend depuis 40 ans. Le discours de réponse à la crise, on l'entend aussi, on entend le même depuis 40 ans. Quoi. Et il produit les mêmes résultats négatifs. Quoi. Et on ne voit pas de solution à bord. Et donc, peut-être le terreau, il est là-dedans. Quoi. Il est dans cette espèce de désenchantement, que bon, puis à chaque fois on entend un argument, on dit oui, mais celui-là on a déjà entendu, effectivement ça n'a pas marché. Voilà, sinon j'ai pas de discours tout prêt sur le Front National. Je voudrais faire plusieurs remarques. Je voudrais revenir sur l'histoire de l'incendie de Reichstag. Je voudrais revenir sur l'histoire de l'incendie de Reichstag. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est effectivement les conséquences d'un acte individuel. C'est fondamental et ça l'est dans la crise actuelle du mouvement ouvrier et quels sont les types d'actions qui peuvent être menées. La chose qui me semble importante, c'est les conséquences de cet acte, plus que l'acteur lui-même. Et les conséquences de cet acte, c'est quand même un prétexte que prend le pouvoir pour détruire complètement le mouvement ouvrier et plus particulièrement le Parti communiste allemand. Ça, c'est la première chose. Je crois qu'un acte et un événement est important pour l'utilisation qui en est fait, l'utilisation qui en est fait par le pouvoir. Et là, en l'occurrence, c'est dramatique. La deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est. Enfin, j'ai deux, trois choses. La première chose, c'est dans l'histoire du capitalisme de grand capital, si j'ai bien compris, il y a deux choses qui sont très importantes dans le propos de Michel, de Daniel Guérin. Mais je me trompe pas de prénom. C'est le premier, c'est la crise conduit au fascisme. Deuxièmement, pour simplifier, hein, le grand capital a financé le fascisme. Et tu rajouterais le modèle fordisme est un modèle qui a contribué à domestiquer la classe ouvrière. Et cette domestication, peut-être que ça serait aussi ce miracle psychologique qui a soumis une partie de la population parce qu'elle était déjà dans les par les conditions de travail qui étaient celles du fordisme, prêtes à être domestiquées. Bon, ça, c'est la première fois que ce type de propos, je l'entends, bon, je pense que c'est une réflexion qui est intéressante, voilà, et ça peut être approfondi. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je voudrais dire, c'est que il me semble que les réflexions qui sont faites sur le nazisme actuellement par les historiens, elles portent sur l'importance de l'antisémitisme ordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une fascination, etc., mais c'est vraiment comment d'un ordinaire de certaines pensées, et en particulier de l'antisémitisme, on peut en faire un ralliement à un régime. Et ça, je crois que c'est une chose qui est développée. Et puis la deuxième chose qui est développée, c'est que le fascisme allemand est beaucoup plus complexe que de dire qu'il y a deux tendances. Le fascisme allemand, le nazisme allemand, il est d'une complexité, c'est des luttes de factions, et c'est un peu ce qu'on voit aussi dans les luttes de factions de l'extrême droite. Et le nazisme allemand s'est construit sur cette espèce de tension et d'équilibre entre les factions. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut approfondir aussi par rapport aux réactions qu'on pourrait avoir sur les montées des fascistes. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que le fascisme, il naît après des épisodes révolutionnaires où la classe ouvrière a été vaincue à plusieurs reprises, elle a été vaincue dans des conditions dramatiques, mais en même temps, le Parti communiste allemand est très puissant. Et il faut insister sur le rôle du stalinisme dans cette victoire du fascisme. Et pour la France, la même chose que je voudrais dire, c'est qu'actuellement, on est vraiment dans une période qui a été marquée par la contre-révolution qui est née des années 70, on est dans l'aboutissement de cette contre-révolution, où il y a véritablement une désintégration du mouvement ouvrier, de la classe ouvrière et des partis qui se réclament de la classe ouvrière, et que là, il y a une responsabilité très grande aussi par rapport à cette situation. Là, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas si je vais arriver à répondre à tout. Sur le premier point, je vois que l'incendie du hashtag qui a beaucoup parlé. Non, je pense qu'insister sur les conséquences, ça veut pas du tout dire qu'il faut jeter la pierre à ce pauvre Van der Lubbe. Van der Lubbe, c'est pas un provocateur nazi, voilà, c'est ça qui me semble important d'être dit. Et si Van der Lubbe accomplit cet acte, malheureux, etc., le débat est ouvert, hein. C'est justement parce qu'il n'y a pas eu de réaction collective. Là, je vous ai cité plusieurs livres, je vais vous en citer un autre, en vous incitant grandement à le lire si vous ne connaissez pas. C'est Hippolyte Etchebeheré, dit Joan Rostico, La tragédie du prolétariat allemand. C'est un tout petit cahier Spartacus qui avait été écrit à chaud, qui est toujours disponible, qui a été réédité régulièrement, et qui raconte de la part d'un militant communiste d'opposition d'origine argentine, mais qui se trouvait en Allemagne pendant l'hiver 32-33, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Et ce qu'il a vécu et ce qu'ont vécu les militants communistes allemands, c'est qu'ils ont attendu désespérément un ordre de combattre qui n'est jamais venu. Je vous renvoie aussi au livre de Margaret Bubermann qui s'appelle La Révolution mondiale, où elle explique très précisément que dans ces années-là, le PC allemand avait, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était les combattants du Front Rouge, c'était les formations paramilitaires du PC allemand, qui étaient extrêmement nombreuses, bien entraînées, très combatives, très courageuses, etc. Et ces gens-là, on leur a dit, vous ne bougez pas. C'est-à-dire que le dernier signal symbolique qui est envoyé à la classe dirigeante, c'est la manifestation nazie dans le quartier ouvrier de Berlin, et qui devait aboutir sur la place où se trouvait la Karl Marx House, c'est-à-dire le siège du Parti communiste allemand à Berlin. Donc cette manifestation, les nazis convoquent une manifestation qui traverse les quartiers ouvriers de Berlin et qui arrive sur la place où se trouve le siège du Parti communiste allemand à Berlin. Bon, Berlin, à l'époque, on dit Berlin la rouge, quoi. Hein. Donc je veux dire, c'est pas du tout une ville qui est acquise à 100% au nazisme, loin de là. Et donc, ce que ces deux livres-là racontent, Gouvernement et Echeverri, c'est que les militants communistes ont attendu un ordre de combattre qui n'est jamais arrivé. D'où après la tentation, peut-être confortable ou quoi, avec des conséquences funestes ou quoi, de Von der Lubbe d'incendier Reichstag, mais Von der Lubbe voulait son acte individuel, même s'il s'est trompé, c'était de réveiller la classe ouvrière allemande qui avait perdu son combat. Ce qui est important de comprendre ou de rappeler, c'est que c'est une défaite sans combat. C'est le sous-titre du livre d'Echeverri, c'est la tragédie du prolétariat allemand, défaite sans combat. Voilà. Donc, pour en terminer sur le Reichstag, c'était la première chose. On ne peut pas comprendre l'acte de Von der Lubbe si on ne remet pas dans le contexte de cette démission et de ce qui est. Puisqu'à l'époque, hein, je l'ai dit en commençant, je veux dire, le mouvement ouvrier allemand, c'est le mouvement ouvrier le plus fort d'Europe occidentale depuis la création de la Deuxième Internationale. C'est le Parti communiste le plus fort, c'est le Parti social-démocrate le plus fort, c'est les théoriciens qui sont allemands, c'est une énorme machine avec des journaux, des immeubles, des écoles, voilà. Et tout ça, ça s'est fait comme un château de cartes parce que simplement le président de la République fait appel au petit caporal autrichien Adolf Hitler pour venir au pouvoir. Et qu'à ce moment-là, personne ne bronche. Voilà, première chose. Deuxième chose sur l'antisémitisme. Effectivement, bon, je ne vais pas dire ce que j'ai déjà dit, Guerra ne parle pas d'antisémitisme dans son bouquin, et ça fait partie des points qu'on pourrait lui reprocher, sauf que à sa décharge, quand même, je vais me faire un peu son avocat, en l'occurrence, il faut rappeler que le livre est écrit, il est publié en 1936. Ouais, il commence à l'écrire, il explique qu'il a pris la décision de l'écrire, donc je dis sous l'influence de Simone Weil, et à la suite des réunions avec les réfugiés allemands, mais il a fait aussi après les journées du 6 février 1934, où il comprend là qu'il y a qu'il peut y avoir un danger fasciste qui arrive en France. Et donc pour comprendre ce qui est en train de se passer, c'est à la suite du 6 février 1934 qu'il va commencer son travail. Donc son analyse, c'est entre 1934 et 1936. Il y a la moitié de son analyse qui porte sur l'Italie. Comme je vous ai dit, il y a l'énoncé d'une proposition, d'une thèse, et puis ensuite Italie-Allemagne. À chaque chapitre, à chaque paragraphe, chaque sous-chapitre, etc. Donc on peut considérer qu'il y a la moitié du livre qui est sur l'Italie. Et dans l'Italie fasciste, l'antisémitisme ne joue aucun rôle. Ni dans l'arrivée au pouvoir, ni avant d'être au pouvoir, ni après. Et on verra que ça sera que pendant la guerre et sous l'influence de l'Allemagne qu'il y aura un antisémitisme du fascisme italien. Après, je ne sais plus. Sur le mouvement ouvrier, ouais, là je peux dire un mot. Il a été question de la crise du mouvement ouvrier. je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais moi j'ai l'impression que le mouvement ouvrier en France et dans le monde, il est en crise depuis août 1914, quoi, en gros. Donc les crises actuelles, en fait, je veux dire, est-ce que par exemple on peut qualifier le Parti socialiste actuel de faisant partie du mouvement ouvrier? Je vais poser la question, c'est y répondre. Donc voilà. Alors, on a encore deux questions, il faut qu'on arrête dans pas très longtemps, et on a dépassé le charpent. Hein. On va prendre les deux questions à la suite, et tu réponds, et tu n'as plus le chat. J'ai quelque chose, parce que moi je suis en parallèle, hein, aujourd'hui, les années 40. Est-ce que tu peux le micro? Oui, bon, en parallèle, entre aujourd'hui, les années 40. C'est le discours de Marine Le Pen, et le discours de l'époque. J'ai encore fort ça. Le micro. Je le collais, voilà. Je colle maintenant. Je vois en parallèle avec le discours de Marine Le Pen et le discours de l'époque. Hein. C'est-à-dire, c'est simple, hein, on dit au peuple qu'avec eux, ça sera beaucoup mieux. Ça sera mieux. Et elle n'arrête pas de le dire. Hein. Alors, on disait aussi, à l'époque, c'était le même discours. C'est ce parallèle qui reste. Dernièrement, Marine Le Pen a dit, nous n'avons pas besoin d'espère, nous avons le peuple avec nous. Savoir qu'on a besoin, parce que voilà, c'est vous hein, qui allez décider. Voilà. Je ne vais pas plus loin. Moi, je voudrais dire rapidement que la crise... quand même, il y a une crise tendancielle de la baisse des salaires et une augmentation des revenus du capital qu'on n'a jamais vu. C'est quand même pas une crise. Les profits des actionnaires, c'est absolument fabuleux. Deuxième chose, la crise en Grèce, c'est assez dramatique, la crise. Des suicides, ça augmente, les gens qui ont des salaires divisés par deux, des gens qui repartent en immigration, c'est pas, comment dire, une crise indolore. Et enfin, pourquoi les riches ont la droite dit l'américain, mais pourquoi les pauvres votent à gauche en Grèce ou en Espagne avec les deux maires de Madrid et de Barcelone? Ça, c'est le changement. Non, je pense que c'est plus des réactions que des questions, donc je n'ai pas spécialement de commentaires à faire là-dessus, parce que bon, ça serait rentré dans un débat sur la politique actuelle. Enfin, moi j'ai essayé de rester sur un plan beaucoup plus historique, hein, pour essayer d'avoir un peu de recul. Une fois qu'on a un peu ce recul, après c'est peut-être plus facile de revenir à l'examen de choses actuelles. Parce que sur les choses actuelles, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire je suis comme vous, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, si on discute, ça va être la discussion, le café du commerce, enfin, de la discussion entre gens de bonne compagnie sur une situation actuelle et sur une incertitude de faits qu'on ne maîtrise pas ou de trucs comme ça. Effectivement, j'ai parlé des pauvres qui votent à droite, enfin, par rapport aux États-Unis, parce que c'est un des seules explications que j'ai pu me donner sur l'explication de ce miracle psychologique sur lequel on s'est interrogé. Pourquoi des gens vont s'enthousiasmer pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, et au contraire qui vont à l'encontre de leurs propres intérêts. Voilà. Après, sur la Grèce et sur l'Espagne, je pense que j'ai un peu répondu quand même d'une certaine manière. Tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il y avait un désenchantement, effectivement, je parlais de la France, je ne parlais pas de l'Europe entière. Et encore moins du monde, parce que peut-être que ces trucs-là apparaissent, alors là, après c'est un autre débat, à tort ou à raison, comme une alternative, comme une alternative crédible. J'en ai parlé à propos de fascisme et grand capital. Hein. Je veux dire, dans la mesure, et c'est ce qu'on raconte Guérin, dans la mesure où il y a crise du capitalisme et approfondissement de la crise, il y a le rôle des organisations ouvrières ou des partis de gauche qui est fondamental. Si ces partis présentent une alternative crédible, effectivement, ça peut fonctionner. S'il n'y a pas d'alternative, c'est cette espèce de mixture ou de mystique national-socialiste qui va se développer et qui va apparaître aux yeux de bah, du, peut-être de beaucoup de gens comme une alternative, parce que ça, tout le monde l'a entendu, hein, au boulot ou ailleurs, mais eux, on les a pas essayés. Hein. Les autres, on les a essayés, mais eux, alors, voilà, je veux dire, c'est aussi bête que ça. Mmh. Hein. Voilà. Après, comment combattre le désenchantement, c'est pas moi qui vais vous donner la réponse. Mais par contre, je vais vous inviter à lire Daniel Guérin, à essayer cette espèce d'exercice pas toujours facile, mais stimulant, de aller bien entre le passé et le présent, tout en essayant de ne jamais décalquer le passé sur le présent. C'est là où la difficulté réside. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.